Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'Amérique insolite, les marines, Mexico, Sexo Clock USA. Documentaire français le plus en vue des années 60 et 70, François Reichenbach, pendant une trentaine d'années, a tourné tout le monde et partout, ou à peu près. En Europe, aux États-Unis beaucoup, au Japon ou au Mexique, pour des courts et des longs métrages, sa caméra s'est posée sur les inconnus de la rue et une foule de célébrités de son époque. Yehudi Menuhin, Arthur Rubinstein, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Raymond DeVos, Barbara, Mireille Mathieu, Rostropovitch, Orson Welles, Manitas de Plata, Brigitte Bardot. En 1966, à l'occasion du Festival de Cannes, il exposait dans un court entretien sa vision du cinéma. Monsieur François Reichenbach, vous êtes en quelque sorte un outsider du cinéma. Quelle est votre opinion sur l'évolution du cinéma actuellement et comment envisagez-vous qu'il puisse évoluer dans les temps à venir, dans les quelques années à venir? Je crois que le cinéma est quand même un cinéma d'auteur. Il se rapproche de plus en plus d'un art, bien que le public fasse bon accueil aux films médiocres et aux films de grandes équipes. Mais moi, je suis tout à fait pour défendre le cinéma dit d'auteur, c'est-à-dire où le metteur en scène a son rôle à jouer en tant qu'auteur, en tant que même musicien, enfin en tant qu'opérateur. Plus le cinéma sera dans les mains d'une seule personne responsable, plus à mon avis ce sera un cinéma réussi. Il se rapprochera donc de l'art. Autrement, c'était plus ce que vous pouvez dire, une science. Oui, vous pensez en effet que le metteur en scène, l'homme de cinéma, est un peu comme le peintre et il fait tout. Il faut qu'il fasse tout par lui-même. C'est exactement, c'est comme le peintre, comme le musicien et comme un écrivain, si vous voulez. Vous êtes en somme un individualiste total du cinéma. Alors je ne veux pas vous donner. Au fond, je suis un individualiste du cinéma et j'aime reconnaître l'œuvre d'un auteur. Donc vous avez parlé là du cinéma en tant que art et par rapport à la science. Je vais fermer la fenêtre. L'honnête homme au XXe siècle et le cinéma. Est-ce que le cinéma est un moyen très puissant, très important quant à la culture? En une sorte, oui, parce que c'est tout de même encore, dit-on, un art un peu primaire, un peu primitif. Donc il s'adresse quand même à beaucoup de gens, puisqu'il est un art visuel, facile à connaître et facile à deviner. Donc c'est un art de propagande qui ne laisse pas trop de mystère. Un film, malheureusement, reste très souvent ce qu'on appelle au premier degré, tout donc degré de propagande. Tandis que, si vous voulez, dans la littérature, il faut déjà une culture pour comprendre certains grands écrivains, la manière d'écrire, et puis alors ça va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus difficile, ça demande un effort plus grand. Donc le cinéma, en demandant un tout petit effort, il est beaucoup plus réceptif, donc à mon avis c'est le meilleur art de propagande. C'est pour ça qu'on en demande beaucoup de films de commande, si vous voulez, pour la publicité, et pour la politique, etc. Vous pensez donc que dans le monde humaniste, il a une assez grande portée quant à l'humanisme au XXe siècle? Je crois d'abord que c'est un dénominateur commun, ce qui est très important pour moi, c'est-à-dire qu'on le comprend aussi bien en Chine qu'en France, qu'aux Espagnes. Donc, c'est le langage commun des hommes. Je crois que c'est l'art qui perd le moins, enfin, en oubliant la musique, si vous voulez, il n'a rien besoin, ou la peinture qui n'exprime pas d'idées en général. Je trouve donc que c'est le meilleur art de compréhension entre les peuples. Vous pensez que ça pourrait, enfin en idéologie si l'on peut dire, devenir un lien entre les peuples et un moyen de paix? Non, mais un des moyens de paix. Non, certainement pas. Non, ça je crois que c'est encore, ça serait idéal, mais ça ce n'est pas le... Non. Non, c'est encore trop, ce serait trop simpliste. Enfin, je pense quand même, par exemple, un film comme Les Jeux Olympiques a vraiment certainement donné dans l'esprit des gens un certain connaissance des autres et que des autres hommes, donc, a apporté un bien à l'humanité. Quelle est la responsabilité morale, en quelque sorte, du metteur en scène, enfin de l'homme de cinéma, d'après vous? Bien, certainement quand même assez grande, puisque, au fond, c'est par le cinéma, plus que partout, maintenant, si vous voulez, parle un peu par le musical, un petit peu aussi, mais enfin, c'est, mettons, par le cinéma, que le metteur en scène crée, d'après son film, une mode, si vous voulez. Donc, il a une influence, puisque les enfants qui vont au cinéma jouent au gangster en sortant, les jeunes filles s'habillent comme Brigitte Bardot, enfin, tout ce qui est jeune et tout ce qui est influençable, si vous voulez, se réfère au cinéma, se rapporte au cinéma. Donc, une responsabilité. Une responsabilité certaine, et je comprends très bien que on interdise aux jeunes certains films et certaines modes d'expression par le cinéma. Vous qui êtes partisan de ce cinéma individualiste, vous estimez-vous un metteur en scène ou, si l'on peut dire, un auteur de cinéma ? Certainement pas un metteur en scène, en tout cas, puisque moi, je subis les choses, c'est-à-dire c'est plutôt le monde qui me met en scène, c'est-à-dire je suis simplement un être qui subit les choses et qui les recrée, mais après les avoir ressenties. Vous savez. C'est-à-dire je serais incapable, je n'ai aucune envie de créer des choses, je me sers de ce qui est créé pour moi le voir à ma façon. Quelles sont vos préoccupations dans un proche avenir ? Vous préparez quelque chose ? Mes préoccupations sont, oui, un petit peu, je ne veux pas parler des films présents ici, mais enfin, je suis assez préoccupé parce que je crois quand même qu'il faut quand même ajouter peut-être une certaine fiction aux choses vraies. Je voudrais par exemple suivre l'histoire d'un garçon qui part au Vietnam et tout ce qu'il subit entre le American way of life, la vie de tous les jours américaine, et ce qu'il trouve en arrivant à Saïgon, uniquement par la réalité. Alors je ne sais pas encore si je dois me servir uniquement de ce personnage qu'on choisira dans la ville américaine, après avoir visité la ville américaine, son entraînement, son voyage et sa solitude à Saïgon, ou au contraire mettre entre lui et moi un acteur, mettons Anthony Perkins ou Sean Flynn, qui vient de faire la même expérience, et qui lui jouera mon rôle, c'est-à-dire c'est lui qui fera cette enquête et qui étudiera les réactions d'un personnage au Vietnam, en Amérique, et tout ce que ça peut lui changer dans la vie. Voilà donc, si vous voulez, mes préoccupations. Je me demande si je dois avoir entre moi et ce que je vois un intermédiaire. Comme si vous avez vu le film que j'ai fait sur Brigitte Bardot. Au fond, c'était Brigitte Bardot qui voyait l'Amérique et non plus moi. Oui, je comprends. En somme, ce serait du cinéma reportage, en quelque sorte, ça. Si on fait dire, ce serait un reportage. Ou je fais un reportage direct fait par moi, ou un reportage d'un autre vu par moi. C'est cela. Le problème de l'intermédiaire. Et c'est votre préoccupation majeure pour le moment. Oui, parce que je trouve que, si vous voulez, quand j'ai vu maintenant beaucoup, beaucoup les États-Unis, je trouve que j'aimerais les voir avec les yeux d'autres personnes. Ce qui serait d'ailleurs quand même le cas de ce jeune homme qui va se battre pour son pays, en tout cas. De ces voyages et cette connaissance des États-Unis, sur le plan culturel, qu'est-ce que vous en tirez ? Ça vous a beaucoup frappé dans un sens, dans un autre ? Les États-Unis, bien que je trouve que c'est un pays monotone, il y a quand même un éternel renouvellement. Et à chaque fois que j'y vais, il me redonne, si vous voulez, une certaine goût, une certaine ambition d'aller toujours plus loin. En France, on subit peut-être la vie, on en profite. On est réceptif à tout ce qu'il y a d'agréable et de beau dans la vie. Et aux États-Unis, au contraire, on domine la vie, on veut toujours aller plus loin, toujours dominer, toujours réussir davantage. Donc, c'est un pays très important qui vous donne ce qu'on appelle comme un doping, c'est comme une pilule qui vous donnerait envie de réussir davantage. Voilà ce que je sens aux États-Unis. Donc, j'ai besoin d'y aller, comme on a besoin de, je sais pas moi, de prendre un verre de champagne de temps en temps. Ça vous transforme vraiment l'esprit et l'ambition. Est-ce que vous croyez que c'est de l'Ouest que viendra la lumière ? Quelle lumière ? Humaniste, au point de vue humaniste. Parce que vous voyez que c'est un pays qui aura une grande influence sur la fin du XXe siècle et le XXIe siècle dans le domaine humaniste. Je crois qu'il en a énormément actuellement, puisque nous sommes absolument américanisés dans le monde, dans le mauvais sens du mot, tous. Depuis la manière de s'habiller, la manière de conduire, la manière de manger même, de s'habiller, de tout. Donc, c'est très important, mais malgré soi. C'est-à-dire que tout vient, si vous voulez, au départ d'ici, parce que d'abord les Américains sont des Européens dans l'ensemble, mais tout commence peut-être en Europe, mais tout s'industrialise, donc s'humanise dans le sens humain le plus large du mot, aux États-Unis pour revenir ici. à laquelle est mon opinion. Et ça, d'ailleurs, ce serait un très beau sujet de film auquel j'avais souvent songé. Je vous remercie, M. Reichenbach. Cet entretien avec François Reichenbach a été diffusé pour la première fois en mai 1966. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Thank you.